Chapitre 333. La réprobation de dire ce qu'Allah a voulu est un tel. 1745. D'après Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne dites pas ce qu'Allah a voulu est un tel, mais dites plutôt ce qu'Allah a voulu puis un tel. Abu Daoud, avec une chaîne de narrateurs authentiques.